Puis une fois qu'il va avoir une fusion avec l'esprit, ben là, l'être humain va connaître d'autres nouveaux problèmes. Il va quitter les problèmes psychologiques pour entrer dans d'autres types de problématiques. Puis là, il va falloir qu'il intègre son contact avec l'intelligence universelle au-delà de l'esprit. Parce que c'est pas parce qu'il y a un contact avec l'esprit que c'est intégral. Il y en a qui ont des contacts avec leur esprit, puis ça détruit leur vie. Parce que l'esprit, c'est intelligent, mais c'est pas conscient. Dans le sens, c'est pas de la conscience incarnée égoïque, là. Fait que c'est pas tout le temps ajusté à la vie. Pourtant, ça fait partie des lois de la vie en évolution, mais il y a une partie de la gestion qui doit être transférée dans l'ego un jour qui va s'objectiver. Donc, il va falloir réaliser à un moment donné que l'esprit est pas humain, dans le sens que c'est pas. Il y a des gens, ils arrêtent d'être assujettis au psychologique, ils arrêtent d'être assujettis à l'astral, puis ils tombent assujettis à l'esprit. Puis là, ça devient des espèces de savants fous qui sont complètement dispersés. Puis oui, ça aboutit à des découvertes extraordinaires. Oui, ça aboutit à des sciences extraordinaires. Ça aboutit à toutes sortes de choses merveilleuses. Mais ça aboutit aussi à du monde qui finissent à la remorque quand même dans leur expérimental, parce que c'est une forme d'expérimental pareil. Donc, on va juste sortir. C'est un autre palier. C'est un autre palier de ce qu'on pourrait appeler, c'est une autre humanité, dans le sens que il va y avoir moins d'intellectualisation. C'est quoi la cinquième race racine? C'est sûr que la sixième vont trouver con. Mais d'une façon drastique, il va même avoir une coupure au niveau mémoriel. Donc, il faut souvenir des cons pour dire qu'ils sont cons, parce qu'on ne se souvient pas de la quatrième. Mais c'était vraiment des cons. Il y avait des techniques et des savoirs extraordinaires, mais c'était des cons parce que l'intellect n'était pas là. C'était des espèces de divinités animaliennes incarnées dans des corps. Dans le sens. Des démons, là, presque. Là. Du monde de même, ça n'a pas de. C'est ça, de la barbarie. Il reste des échos de ça. C'est des civilisations barbares, mais sophistiquées. Puis plus tard, on va passer pour des barbares sophistiqués, comme ça a toujours été. Il y en est pareil, des petits cycles dans les heures, comme par exemple les différentes époques, puis les races, racines.